bonne physique, mon cher, la science. Quel trésor! Mesdames et messieurs, je vous présente ma fille Olympia. Charmante, charmante, charmante, charmante! Elle est adorable, charmante et probable. Quel succès elle tient, vraiment elle vit très bien. Elle a de très beaux yeux, sa taille est fort bien prise. Voyez comme elle est mise, il ne lui manque rien. Vraiment, vraiment, elle est très bien. Vraiment, vraiment, elle est très bien. Mesdames et messieurs, fiers de vos bravos et surtout impatientes d'en conquérir de nouveau. Ma fille, obéissante à vos moindres caprices, va s'il vous plaît passer à d'autres exercices. Vous chantez un grand air en suivant de la voix, talent rare, le clavecin ou la guitare, ou la harpe, à votre choix. Attention! Attention!